Chapitre 7e. Monsieur Pépin et Madame Pomme avaient goûté les joies du chagrin solitaire. Ils connurent bientôt que la douleur partagée a des charmes infiniment plus puissants. Chacun d'eux se prit à aimer et à regretter la mort de l'autre, à l'égal du sien propre, et ce fut sympathie autant que politesse. Monsieur Pépin ne jouera plus désormais que par Achille, tandis que Madame Pomme se modelait en tout sur Élisabeth. Madame Pomme s'était vue confier une seconde clé de la chapelle gothique. Elle éparpillait furtivement des violettes sur l'autel qui en ornait le fond. Un jour, elle eut elle-même une surprise qui la toucha vivement. Un bas-relief était encastré dans la pierre tombale de feu Pomme, représentant deux figures allégoriques, la pharmacie portant une fiole aux lèvres de la souffrance, œuvre du sculpteur qui avait fait le buste d'Élisabeth et qui continuait à mal payer ses termes. Ils se serrèrent les mains avec effusion et commencèrent à sentir d'instinct que deux êtres qui aimaient si passionnément, chacun de son côté une personne étrangère, étaient faits l'un pour l'autre. Un matin, Madame Pomme ne se trouva pas à la station du tramway. Monsieur Pépin, inquiet, l'attendit et vit partir 5 voitures sans qu'elle parût. Il rentra chez lui affolé. Il avait perdu l'habitude de pleurer Élisabeth tout seul et lui sembla que le monde s'écroulait une seconde fois. Il ignorait l'adresse de Madame Pomme et ne pouvait aller prendre de ses nouvelles. Il songea avec terreur que si elle était malade, si elle mourait, il ne la retrouverait plus que dans le tombeau d'Achille, et qu'il lui faudrait pleurer 3 morts, alors qu'il avait peine à suffire à 2. En revenant, il rencontra le docteur, qui fut frappé de l'expression hagarde de ses yeux. Celui-ci lui demanda s'il n'était pas indisposé. Il répondit qu'il n'en savait rien et le quitta brusquement. Le lendemain, dès le petit jour, il était en faction au bureau du tramway. Elle arriva à l'heure accoutumée, très pâle. Il n'osa pas l'interroger au cours du voyage, mais passait la porte du cimetière, et tandis qu'il se rendait chez Achille, qui recevait le premier leur visite, elle lui apprit qu'une nouvelle catastrophe, toute matérielle cette fois, allait bouleverser sa vie si calme et si réglée. Le successeur de son mari, qui n'avait pas payé le fonds et en servait les intérêts jusqu'alors, était parti avec une danseuse du Moulin Rouge, laissant la maison dans un état pitoyable. De ce fait, elle était à peu près ruinée. Elle pleurait à chaudes larmes, son joli sein palpitant à coups pressés, car ne pouvant plus vivre à Paris, il fallait se retirer en province, dans sa famille, et abandonner la seule triste joie qui lui restait, sa visite quotidienne à Élisabeth et à Achille. Pendant qu'elle parlait, M. Pépin, la tête en feu, prenait une résolution formidable. Il avait vu se dresser encore devant lui le spectre de la solitude et cette apparition l'avait épouvanté. « Ma chère enfant, lui dit-il, écoutez-moi. Voulez-vous m'épouser ? Grand Dieu, mon ami, vous n'y pensez pas. Mais j'adore Achille et je l'adorerai toujours, je le sais. Et c'est justement ce qui m'autorise à vous faire cette demande. J'ai juré moi aussi, à ma pauvre défunte, une fidélité éternelle. Et ce n'est pas une autre, Madame Pépin, qui entrera chez moi, mais la toujours sainte, respectée et immaculée Madame Pomme, la femme d'Achille et non la mienne. Nous nous affligeons ensemble 2 heures par jour, nous le ferons toute la journée. Nous formerons un bloc qui pleurera ses 2 anciennes moitiés, et séparés la nuit, vous m'entendez bien, nous appartiendrons l'un à l'autre jusqu'à l'aube au souvenir d'un passé qui nous est cher. Acceptez, mon ami, et permettez-moi de vous venir ainsi en aide dans vos malheurs. À Dieu ne plaise que je laisse partir au loin, esselée et misérable, celle qui a si bien compris nos douleurs mutuelles. Ce n'est pas à moi que je vous donne, c'est à Achille que je vous rends. » Elle hésitait, très émue, très tentée. « Vous êtes exquisément bon et délicat, lui répondit-elle, et ce serait un doux rêve, nous unir pour n'appartenir qu'à eux, mais eux, qu'en penseront-ils ? Il faut le leur demander, fit gravement M. Pépin. Ils s'agenouillèrent, et M. Pépin interrogea le mort d'une voix tremblante. « Veux-tu me la confier, Achille ? De là où tu vois l'innocence de nos corps, et tu sais qu'elle restera tout à toi et à jamais. » Il tutoyait Achille en raison du lien qui allait les unir et aussi parce que la conjonction était solennelle. Ils courbèrent la tête, le priant avec ferveur. Quand ils levèrent les yeux, il leur sembla que la figure qui représentait la pharmacie avait le front incliné plus bas que de coutume. C'était un oui formel. De là, ils se dirigèrent vers la chapelle gothique. Ils accomplirent la même cérémonie devant le petit autel, et Élisabeth, n'ayant pas répondu, ils en conclurent qu'elle acceptait. Au moment où ils sortirent, ils remarquèrent sur un cyprès une petite fauvette, à tête noire, bien entendu, qui égrenait des notes mélancoliques. C'était leur épithalame.